Nous saluons chacun de vous cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas été ensemble hier. Comme le pasteur l'avait signalé. Je me suis retrouvé à Likasi Odei. Et je ne pouvais pas venir à temps pour apporter la parole. C'est mon cousin le plus proche. Son père vient juste après mon père. Baba yake ni mloko yake kisha tu mkongo wa baba yangu. Il vient. Ni mloko yake babango mkongo. Celui qui vient juste après mon papa. Ni mloko yake ya baba yangu. Et c'est son fils aîné. Na mtoto wake wa kwanza. Qui a perdu son épouse. Njo alifisha bibi yake. Comme l'ancien l'a dit hier. Paka vile mzee alisema jana. Nous avons vécu longtemps ensemble. Turiishi wakati mrefu pamoja. Et je suis l'un des témoins de ce mariage. Na niko mmoja wa mshuhuda wa ile ndoa. Quand il s'est marié, j'étais là. Wakati alianza kuunga ndoa nilikuwa pale. J'ai participé aux premières cérémonies. Nilishiriki kumandamano ya kwanza. C'est pourquoi certains qui était plus proche de moi. Je commande ni kireo ki moi ki kwa ki karibu sana na mie. Où je ne pouvais pas me dérober de mes devoirs. Na nishikuezi kuepuka kuile mapashwa. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tushimame njo kusoma neno. Ouvrons nos Bibles dans Exode au chapitre 3. Tufungule mabilia yetu mukutoka sura yake ya 3. Exode au chapitre 3. Tabu ya kutoka sura yake ya 3. Nous allons commencer au verset 1. Tunaanzia mstari wa kwanza. Jusqu'au verset Fika pakan amustare kia kumi. Merci, Père Céleste. Accente babali jumbinguni. Dans toute humilité, nous te demandons pardon. Katika unyeke vuyote tunakomba utsame. D'une manière ou d'une autre, nous t'avons offensé. Munama moya wala ingine turukosea. Nous invitons le sang de Jésus-Christ. Tunalika damu ya Bwana Yesu Kristo. Ce sang parfait. Il est damu kamilifu. Il se tient entre nous et Dieu. Il est kunashimama katikati ya Mungu na shie. Et que le Seigneur nous pardonne. Na Bwana apate kutusamea. Nous sanctifie. Atutakase. Ou que nous soyons prêts à te servir. Njoo tupate kuwa tayari ya kutumikia. Merci Seigneur Jésus. Accente Bwana Yesu. Pour l'œuvre du calvaire. Dieu a casé à Calvario. Viens maintenant. Oui, à Sasa. Par la voix de ton esprit. Vitianji à Royaku. Aide-nous Seigneur dans cette marche. Tutusaidi mui safari ya kiro. Révèle-nous ta volonté. Tufunie mapenzi yako. Pour que nous sachions comment vous plaire en toutes choses. Dieu tupate kujua kukupendeza mkila kintu. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Bari kila moja wetu munamna ya kipekee. Bénis la parole qui sera lue. Bari kineno itasomewa. Du début de ce culte. Mwanzo hata mwisho ya ibada. Jusqu'à la fin de service. Kufika na mwisho ya kazi. Que ton nom soit élevé. Jina lako linyanyuliwe. Au nom de Seigneur Jésus Christ. Mujina la Bwana Yesu Kristo. On te prie ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Exode 3. Kutoka sura ya 3. Verset 1 à 10. Mstari ya kwanza kufika hata 10. Moïse faisait paître les troupeaux de Jethro son beau-père. Musa alianza kulisha nkondo ya mko yake Jethro. sacrificateur de Madian. Mukwani wa kule ku Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Na akasukuma kondo kule ku jangwa. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Na akafika kule ku mlima ya Mungu ku Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Malaka amilela kamtokea mkijiji kya moto. Moïse regarda. Moussa akangaria. Et voici le buisson était tout en feu. Na akaona kijiji kilikuwa kinawaka moto. Le buisson et le buisson ne se consumait point. Lakini ile kijiji hakianza kulungua. Moïse dit. Moussa akasema. Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Na pasa kujeuka juu nione nionyo kani mkubwa hii. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Na njua nini ikijiji akilungue. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Kwa milele akaona kwamba aligeuka njua aone. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Na Mungu akamwita katikati ya kile kijiji cha moto na kusema Moïse, Moïse. Musa, Musa. Et il répondit. Na akajibu. Me voici. Mimi hapa. Tu es dit. Mungu akasema. N'approche pas d'ici. Hapana ukaribia hapa. Ôte tes pieds, tes souliers de tes pieds. Tosha viatu vyako mikulu. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Kwani fashi unayoshimama ni bulongo takatifu. Et il ajouta. Na akaongeza. Je suis le Dieu de ton père. Mimi ni Mungu wa baba yako. Le Dieu d'Abraham. Mungu wa Ibrahimu. Le Dieu d'Isaac. Mungu wa Isaka. Et le Dieu de Jacob. Na Mungu wa Yakobo. Moïse se cacha le visage. Musa akaficha uso yake. Car il craignait de regarder Dieu. Kwani alianza kungopa kumtazama Mungu. L'Éternel dit. Wamilele akasema. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Naona mateso ya taifa yangu. Qui est en Égypte. Benye kuwa mumistri. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Na mina shikia ile malalamiko bila mlamkisha kupitia bale wa mateso. Je connais ses douleurs. Kwani mina jua maumivu yake. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Na mina shuka sasa njoo kubakomboa mikono ya baba Misri. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Na njoo kubapandisha mule inchi ya mzuri na munene. Dans un pays où coule le lait et le miel. Muichi ile maziwa na asali iko na mwangika. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Mfazi mule mune kala wa Kananea. Les Étiens. Wa Étienne. Les Amoréens, Amoréa, les Phéréziens, les Éviens, Éviens et les Jébusiens. Na, wa Jébusia. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Na, tazama, malamiko wa Israeli, ininifikia paka huku. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Na, minoona kusongwa kulima mateso wanabu kubakutia batoto wa Misri. Maintenant va. Sasa, wende. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. La dernière fois que nous étions ensemble ici. Nous nous sommes arrêtés sur la conduite d'Abraham. Tulishimamia yule ya mwenendo wa Ibrahimu. Après avoir parlé de son appel, kisha kusemezea yule ya mwito yake, et des promesses que Dieu lui avait fait, na malako yenye Mungu alimulaka. Nous avons montré qu'il n'y avait pas d'ombre de malédiction dans l'appel d'Abraham. Na tulionesha kusema mumwito Ibrahim amukukuye hata kimvuri kya laana. Ni dans l'appel d'Abraham. Ai ingekuwa mumwito wa Ibrahim. Ni après son départ dans sa descendance. Hata kutuikisha kufa kwake mjizao yake. Et nous avons montré que remarquer ce qui a beaucoup attiré l'attention de Dieu sur Abraham. Na mutazameni kenyewe kilivuta angalisho sana ya Mungu yule Ibrahimu. Dans sa conduite. Mwenendo yake. Vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la parole de Dieu. Mbele ya Mungu na mbele ya neno la Mungu. Nous vous avons fait remarquer qu'Abraham avait une obéissance totale à Dieu et à sa parole. Et qu'il était caractérisé par un respect absolu. Et ces deux choses ont permis au Seigneur d'accomplir toutes les promesses qu'il avait fait à Abraham. Je reviendrai sur l'obéissance et le respect. Ces deux choses sont la clé qui met Dieu en dette afin qu'il accomplisse tout ce qui semble impossible à l'homme et qu'il rende l'homme heureux en toutes choses. Dieu ne peut rien faire avec un désobéissant. Mungu hawezi kufanya kitu hata kimoja na mtu asipokutii. Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Mungu hawezi kufanya kitu hata kimoja na mtu asiheshimu yake neno lake. Dieu ne peut rien faire avec un rebelle. Mungu hawezi kufanya kitu na mtomboji. Que le Seigneur vous bénisse, je reviendrai. Mitarudiria kapo, Mungu ambariki. Nous prenons le livre d'Exode, on évolue un peu. Vous remarquerez que le chapitre 1 d'Exode, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5 et même le chapitre 6 parle de la souffrance des enfants d'Abraham en Égypte. Dans Exode au chapitre 1, Kutoka sura ya kwanza, de le premier verset, mustari tu yake ya kwanza, la Bible révèle les enfants d'Abraham qui sont partis en captivité. Biblia inafunua watoto wa Ibrahimu ambao walienda mfungwa. Et le livre de la Genèse, na kitabu ya Mwanzo, dans les chapitres que nous avons recommandé d'aller lire, ont révélé comment les enfants d'Abraham sont passés en captivité. Ils ont montré comment ils sont arrivés en Égypte, comment ils ont vécu pendant toute la vie. Et pendant toute la vie de Joseph en Égypte. Na namna kani bariishi mwakati yote ile Yusufu alikuwa mjima. Et la Genèse a montré la mort de Joseph. Na mwanzo ulionyesha lufu la Yusufu. C'est après la mort de Joseph. Ni kisha tu lufu la Yusufu. Israël est resté encore longtemps en Égypte. Israël ba kiasi na wakati mrefu Misri. Jusqu'au moment où un pharaon s'est élevé sur le trône, ce roi qui n'avait jamais connu Joseph. Ce roi qui ne connaissait pas la valeur de Joseph. Il n'a jamais connu ce que Dieu avait fait avec Joseph. Il remarqua que les enfants d'Israël se multipliaient. Ces derniers remplissaient tous les pays. Aba baranza kubeba hata inchi mjima. Et ils devenaient puissants. Na pale bakanza baranza kuya banguvu. Cela engendra en lui de la crainte. Na ile izalishwa ndani ya ule mfalme boka. Cela engendra en lui beaucoup d'inquiétudes. Ile kazalisha ndani yake mnakuwa mangaiko manunguko ya mingi. Et c'est à travers ce monsieur, na, ce nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph, falme wa sasa, ashikumujo Yusufu, que commença le moment difficile des enfants d'Abraham. Dans Exode au chapitre 1, lisons un peu cela. Mukutoka sura ya kwanza tunaweza kusoma à partir du verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Tazameni watu wa Israeli wanaanza kuwa taifa ya mingi et puis wanaanza kuwa na uwezo ya mingi kushindia. Allons et montrons-nous habile à son égard. Twende na tukue bakali sana kwa upande wake. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Tubazuize basipate kuokoa ba mingi. Et que si il survient une guerre. Na kama kuna kuwa vita. Il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Na bashipate kungana baadui yetu njoo batukumbanishe bapate kutoka mwinchi. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée. Na tupate kuweka yulu yabo bakubwa ya makazi. Et l'on établit sur lui. Na tuweke yulu yake. Na bakaweka. Et on établit sur lui. Na bakaweka. Des chefs de corvée. Bakubwa juu ya makazi ya nguvu. Afin de les accabler des travaux pénibles. Je vois pas te basonga na makazi ya nguvu kabisa. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitmon. Jo muinamna balijenga atelmija Pitmon et de Ramsès. Na ile ya Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Jo ipate kwa samaduga ya Pharaon. Mais plus on l'accablait. Mais kila mara banza basonga na makazi ya mingi. Il multipliait et ça croissait. Na njo vide banza kwa tena mingi na banza kuwa ba mingi kabisa. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Na kwa kinyume bakabeba watoto wa Israeli. Bakachukia watoto wa Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Na ba mitri bakao punguza watu wa Israël makazi ya nguvu. Alors les Égyptiens sasa ba mitri réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Bakashusha batoto wa Israël makazi ya nguvu. Ils ont humilié. Bakabashusha les enfants d'Israël batoto Israël à une dure servitude. Makazi mubutumo bwa nguvu. Il leur rendit la vie amère, pas de rudes travaux en argile et en briques. Na bakabafanya maisha yabo kakuya buchungu kabisa mwapigisha maibwe. Une vie, il leur rendit la vie amère, bakabakuisha maisha yakakuwa buchungu kabisa. Par des rudes travaux, kupitia makazi ya nguvu, en argile et en briques, mubulongo na mukupika matafari, et par tous les ouvrages des champs, na kupitia makazi yote ya mashamba, et c'était avec cruauté, ilikuya na rumbaya, c'est-à-dire avec cruauté, sema rumbaya, qui leur imposait toutes ces charges. Bakanza kubatwika imabuzito makazi yote hii. Vous voyez qu'Israël commençait maintenant à souffrir terriblement. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Ils étaient en difficulté. Barikua katika magumu kabisa. L'Égypte, Misri, ne pouvait plus les supporter. Aikuwezi na kubavumilia. Ils les ont chargés. Bakabatwika. Des travaux humiliants. Makazi mwa kufedhelesha. Des travaux pénibles. Makazi mwa ya nguvu kabisa. D'une grande cruauté. Ya rumba kabisa. Ils étaient opprimés. Barikuwa benye kusongwa. Ils étaient maltraités. Barikuwa benye mateswa. Et les enfants d'Israël. Na batoto ya Israeli. Ont commencé à crier. Bakaanza sa kulalamika. La période avait changé. Wakati ilibadilika. Le temps qui précédait ce roi. Mwile wakati tangulia umfalme. Et du temps de Joseph. Na wakati ya Yusufu. Ils étaient traités avec beaucoup de respect. Barianza kubeshimia kabisa. Ils étaient en paix. Bakom salama. Et pour eux tout prospérer. Na kwa bubu bitu yote vianza kwenda mura. Mais la souffrance. Lakini mateso. Que les Égyptiens avaient commencé. Ili batu amis barianza. Les travaux durs. Makazi ya nguvu ya kazisha. Et pénible. Ya nguvu kazisha. Qu'on leur imposait. Barianza kubakazisha. A changé maintenant. Ili badilisha sasa. De comportement. Mwenendo yabo namna yabo kutenda ya batoto Israel. La souffrance Mateso, les avait obligés de penser à leur pays banze sasa kuwaza yenye ibaritokeaka parce qu'ils n'étaient plus aimés. Sababu abakwapende tena. On les appréciait plus. Abakwanze tena bafuraia. La joie avait changé furaha ilibadilika, anaanza kuwa makuria sasa, en tristesse, yakakuwa mauzuni. Dans Exode chapitre 2, mukutoka sura ya pili, dans son verset 23-25, mustari yake ya 23 kufika paka 25, après longtemps le roi d'Egypte mourut, kisha wakati mrefu kufa kwa mfalme wa Misri, et les enfants d'Israël gémissait encore sous la servitude. Na batoto Israël banza kugua chini ya butumwa. Et poussait des cris. Na barianza kutoa malalamiko ya uzuni. Ces cris que leur arrachait la servitude. Ile malalamiko banza kujua kwa butumwa. Ces cris que leur arrachait la servitude. Ile malalamiko banza kutoa juu ya butumwa. Montèrent jusqu'à Dieu. Ikafika paka kwa Mungu. Dieu entendu leur gémissement. Mungu akasikia kugua kwabo. Et se souvint de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Na akakumbuka agano ilafanyaka na Ibrahimu, Isaac na Yakobo. Dieu regarda les enfants d'Israël. Mungu akatazama watu wa Israeli. Et il en eut pitié. Compassion. Na aka akabashikiria buluma. Vous voyez. Munaona. Dieu n'a pas eu compassion. Mungu ashikiria buluma. D'Israël quand ils étaient en paix. Wakati ile Israeli kwa msalama. La souffrance. Mateso. L'oppression. Songwa. Leur gémissement makugua, qui venait de leur servitude les poussa sasa, à pousser les cris banze kutoa malalamiko. C'était amer. Ilikuwa buchungu. C'était difficile pour eux. Il kuwa ya nguvu kwabo. Et ici en Égypte, na umu Misri, Israël n'avait pas de solution. Israël akukue na namna ya kufanya kuleja kupata jibu. Cette génération présente, ikizazi kya sasa, ne savait plus abakujue où se trouvait même le pays de la promesse. Ata inchenya malako kwa wapi. D'où leurs parents étaient venus. Bazazi abu walitokea kwa wapi. Parce que même leurs parents étaient déjà morts. Baliko balisha kufwa. Que ce soit pour les Égyptiens qui kubenye batwa Misri, qui gardaient seulement l'histoire. Baliko banchunga tu aditi. De comment ce peuple, les enfants d'Israël, étaient venus en Égypte. Namna kani balifika kwa Misri. Israël lui-même ne savait plus. Israël comment retourner dans le pays de la promesse. C'était difficile. Mambo kwa nguvu. C'était très compliqué pour eux. Mambo hatari sana kwabo. Et dans leur gémissement. Na mwile kugua kwabo. Dans l'oppression qu'ils subissaient. La haine Chuki. Des enfants de ces peuples de l'Égypte. Ce comportement sans pitié à l'égard des enfants d'Abraham. Dieu en voyant cela, Mungu mwe mukona vile, il eut compassion d'eux. Akabashikiria buluma. Et Dieu se souvint na Mungu akakumbuka de son alliance qu'il avait fait avec Abraham, agano yake alifanyaka na Ibrahimu, avec Isaac na Isaka, et avec Jacob na Yakobo. Je m'arrête un peu ici. Na shimamia kwanza hapo. Bien-aimés frères et sœurs, upendwa nduku na dada, celui qui n'a jamais souffert mutu la chate swaka ne peut jamais comprendre kamwe hawezi kuelewa et apprécier le rachat na kufurahia ukombozi. Bien-aimé frère et sœur, upendwa ndugu na dada, un homme qui n'a jamais souffert mutule ayatiswaka, un homme qui n'a jamais été opprimé mutule ashiasongwaka, ne peut jamais dans sa vie maisha yake kamwe hawezi comprendre kuelewa la signification du rachat, maana ya kukombolewa, ne peut jamais apprécier ashitaweza kusifu le rachat ukombozi. Ça c'est vrai. Ile ni ya kweli. Aucun homme, hakuna mtu hata moya, qui n'a jamais expérimenté ule baada ya unjaka l'angoisse kusongwa, l'oppression kusongwa maumivu, le mépris kubeuliwa, la haine, wala chuki, la servitude, wala butumwa, ne peut jamais apprécier cela. Ule muntu ne peut jamais apprécier achezi kufurahiwa kumkombozi. Le salut ukovu est pour ceux qui souffrent, ni abale bekuna teswa. Le salut ukovu, c'est pour ceux qui sont persécutés. Nia bale bekone bateso bekone bangaisha. Ceux qui sont opprimés. Bale benye kusongwa. Ceux qui vivent sous la domination. Bale bekunaishi chini ya utawalo. Ceux qui sont esclaves. Bale benye kwa batumwa. Les gens qui ont vécu sous la dictature. Bale batu baliishi kupitia mutu. Les méchants. Ya batu babaya. Le salut est pour les gens qui ont perdu la liberté. Bien-aimés frères et sœurs, si tu n'as jamais été arrêté, kama abayakufunga kako, tu n'as jamais été en prison, kama uyengia kako mgereza prison, ou tu n'as jamais été dans un cachot, wala uyengia kata mkachot moya, tu ne peux pas comprendre, autaweza kuelewa, et tu ne peux pas apprécier, na autasifaka, la liberté, uhuru. Tu es libre. Wakati le kuhuru. Vous pensez que tout est normal. Ah, utazania kwamba bitu vyote vitu sawa. Et vous constaterez. Na utaona kwamba. Que la liberté n'a aucune importance dans votre vie. Kwamba uhuru haina na mafaa maisha yako. Mais si la police mettait la main sur vous. Lakini kama tu la police na kushika mkono. On vous enferme dans 4000. Bana kufungia mji wa Mbashi ini. Tu fais toute une journée. Mafanya siku moja. Sans voir le soleil. Bila kuona jua. Tu fais deux jours, une semaine. Mshuma moya. Sans mouvement. Bila kutenka. Vous comprendrez. Pale ndio taelewa. L'important de la liberté. Maana ya uhuru. Quelqu'un qui n'a jamais souffert dans sa vie. Mutule akiswaka maisha yake yote. Quelqu'un qui n'a pas été persécuté dans sa vie. Mutule abayamteswaka ku maisha yake. Quelqu'un qui n'a pas été opprimé dans sa vie. Mutule abayamsungaka maisha yake. Quelqu'un qui n'a jamais été dominé avec cruauté. Mutule abayamtawalaka kuna roho mbaya. Quelqu'un qui n'a jamais été dans l'esclavagisme. Mutule asiengiaka kwa mtumwa. Ne peut jamais apprécier le salut. Shita chifaka okovu. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Ya kweli dada. Savez-vous qu'un esclave. Eti unajua kwamba mtumwa. Savez-vous qu'un prisonnier. Unajua kwamba mfungwa. N'est pas libre de faire sa volonté. Ana uhuru ya kufanya kila anapenda. Un esclave. Mtumwa. Est soumis à la volonté de son maître. Eko natenda kufatana na kile mwalimu yake anapenda. Oui, bien-aimé frère et sœur. Ndio ndugu na dada. Si quelqu'un dans sa vie. Mutu kama maisha yake. N'est pas passé par un moment de souffrance. Acha pitia kapu mwakati mwa mateso. Il ne peut pas comprendre le rachat. Kamwe awezi kuelewa ukombozi. Jamais bien-aimé frère et sœur. Kamwe nduku na dada mpendwa. Dans Exode au chapitre 6. Mukutoka sura ya 6. Dans Exode au chapitre 6. Kutoka sura 6. Le verset 5. Moussari Atanu. Allons jusqu'au verset 9. Siki Atanu, Moussari Atissa. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Minashiki akugua kwa watoto wa Israeli. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Bale, baanesha kufungwa kupitia ba Misri. Et je me suis souvenu de mon alliance. Na mina kumbuka agano langu. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël. Jukomana ambia batufa Israeli. Je suis l'Éternel. Niko amilele. Je vous affranchirai des travaux. Temie kauru kule makazi. Donc vous chargez les Égyptiens. Yenyewe umetwika watoto wa Misri. Je vous délivrerai de leur servitude. Temi komboa kubutumwa abo. Et je vous sauverai à bras étendus. Na. Et par des grands jugements. Na temi okoa kupitia mukono yangu wa kunyoloka na kupitia hukumu mkubwa. Je vous sauverai par ma grande puissance. Temiokoa kupitia uwezo yangu munene. Et par de grands jugements. Na kupitia hukumu mkubwa. Et je vais frapper de grands fléaux. Na mitapika mapigo mkubwa. Je vous prendrai pour mon peuple. Na temichukua taifa kwa mataifa yangu. Je serai votre Dieu. Nitakuwa Mungu wenu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu. Na mtajua kwamba ni mimi wa milele Mungu wenu. Qui vous a franchi des travaux. Ulaimeka huru kwa makazi yangu. Dont vous charge les Égyptiens. Ile bigone mitwika kwa Bamisri. Je vous ferai entrer dans le pays. Que j'irai dédonner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude na ile butumwa bwa nguvu les empêchèrent d'écouter Moïse. Ikabazuiza bakashinda kumshikia Musa. Frère, nduku, sœur, dada, parfois samwa hivi la souffrance mateso empêche plusieurs personnes inekalaka kunazuiza batu ba mingi d'écouter la voix de Dieu kukosa kushikia hata sauti ya Mungu. Et ça na ile c'est le plan de Satan Dieu mapu ya shetani pour maintenir les gens Dieu kuchunga batu dans sa servitude baka mbutuma bwake. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Regardez quand Moïse et Aaron et les anciens Tazameni Musa na Aaron na Bazé sont allés voir Pharaon pour lui dire ule wakati walienda kumuona Pharaon na kumwambia libère ce peuple. Acha itaifa yende. Ils vont faire un voyage de quelques jours dans le désert. Banapasha kusafiri kumashuki doko mjango. Et ils ont un sacrifice à faire à leur Dieu. Na beko na sadaka kutolea Mungu wabo. Pharaon le méchant. Pharaon Romubaya. Qui représente Satan. Ule mwenyewe kunaonekanisha Shetani. Qui n'aimait pas Israël. Ule mwenyewe kupende Israeli. Mais il aimait le service des enfants d'Israël. Mais lakini aranza kupenda kazi ya watu wa Israeli aranza mfanshia. Il voulait qu'Israël demeure dans la servitude. Alipenda Israël ipate kubakia paka mbutumwa. Et mourir comme esclave. Na bakufwe sabatumwa. Cela lui faisait du bien. Na iye njo kwa furaha yake. Que délibéré. Bahari pakuacha. Israël, les enfants d'Israël vivants. Na Israël bajima. Vous voyez. Naona. Pour aller servir leur Dieu. Bende bakatumike Mungu wabo. Et manquer leur service. Na kukosa kazi ili baanza kumtumikia. Satan ne peut pas apprécier ça. Shetani atafurahiwa kaile. Même spirituellement, c'est ce que Satan fait. Atamukiro njo kenye Shetani unafanya. Satan ne m'aime pas. Shetani ashinipendake. Satan ne t'aime pas. Na Shetani ashikupendake. Satan n'aime pas les enfants. Shetani apendake batoto wa Mungu. Satan n'aime pas les enfants. Shetani apendake bateule. Satan. Shetani. Aime nos services. Eko napenda kazi ile tunamtumikia. Il veut que nous lui rendons service. Si et tumtumikie. Jusqu'à la fin de notre séjour terrestre. Mwisho ya maisha yetu pamoja. Mourir dans le péché. Kwa Mzambi. Mourir loin de Dieu. Mbali na Mungu. Loin de la présence du Seigneur. Mbali na wepo wa Mungu. Cela réjouit le cœur de Satan. Jo furaha ya Shetani. Satan n'aime pas notre délivrance. Apendake ukombozi yetu. Il n'aime pas notre salut. Apendake ukovu yetu. Ça, c'est le plan du diable. Il est njo mapu yake. Moïse. Oui, Moussa. Aaron et les anciens. Aaron, pas moi, basé. Sont allés demander la libération. Barienda kumba uru ya batota Israeli. C'est la mis. Na ile kamupa. Pharaon, deux fois en colère. Kasirani malambiri Pharaon. Et il leur dit. Na kabambia. Pourquoi voulez-vous détourner ces gens de leurs travaux? Pourquoi vous venez demander leur libération. Moi, je ne connais pas l'Éternel. Qui est l'Éternel? Pour que moi j'obéisse à son ordre, que je libère mes esclaves, qui me rendent de bons services, que moi je me prive de bons services, pour qu'ils aillent servir les dieux que moi je ne connais pas. Pharaon avait le mépris des dieux d'Israël. Ah, Pharaon a il avait de la haine envers les enfants d'Israël. Mais il aimait les services qui lui rendaient. Il était bénéfique. C'est vrai, frère. Dans Exode chapitre 5, vous pouvez lire cela, je ne peux pas tout lire. Mais regardez dans le verset 3. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, Moussa, Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Et vous lui ferez interrompre ses travaux. Vous voyez? Et en ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire les briques, des briques. Ils aient même ramassé de la paille. Vous les reposerez néanmoins la quantité de briques qu'il faisait auparavant. Vous n'arrêterez rien. Ça, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Qu'on les charge de travail. Ces gens, et qu'ils s'en occupent. Et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Na abata bengarishaka kule masauti wena ambia ya bongo. Frère. Nduku. Ma soeur. Dadang. C'est ça le raisonnement de Satan. Njo mafikiri ya shetani. Même si vous regardez la vie actuelle. Ataka mnangaria maisha yetu ya leo. À l'aube du retour du Seigneur Jésus-Christ. Wa karibu na kurudia kwa Bwana Yesu Kristo. La vie de l'homme est devenue pénible. Maisha ya mtu inakuwa magumu kabisa. Depuis que le message du temps de la fin. Tangia ujumbe wakati ya mwisho. Et ça avec force. Kaanza kuletewa na mtu yote. Pour annoncer sur toute la terre. Ya kutangaza pa dunia mzima. Que le retour du Seigneur est imminent. Ya kwamba kurudia kwa Bwana kuna karibia. Bientôt Jésus revient. Pour faire son épouse et le message prépare maintenant l'épouse, Satan a redoublé la méchanceté sur la terre. Il a redoublé sa méchanceté sur la terre. À tous les niveaux. Satan a rendu la vie de l'homme difficile. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Ne pensez pas que la vie est tellement difficile ici au Congo. Non, frère. En Afrique du Sud. En Tanzanie. En Zambie. Zambia, même au Rwanda, hata ku Rwanda, voyez, en non, France, Bulaya, aux États-Unis, la vie est difficile actuellement. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il n'y a aucun endroit où les véritables chrétiens sont en paix. Non, bien aimé frère, pour être en paix aujourd'hui, pour vivre heureux, il faut être malhonnête, il faut être voleur, il faut être méchant, Actuellement, les hommes droits, les hommes honnêtes, les hommes pacifiques n'ont plus de place. C'est vrai, frère. Les gens qui veulent gagner leur vie honnêtement sont persécutés partout. C'est Satan. La vie est difficile. Les gens sont mal payés. Regardez ici chez nous. Si ici à Kambo, on avait des sociétés qui payaient comme la Jekamine autrefois. Mais les habitants de Kambo seraient heureux. Mais pour accomplir la parole de Dieu, Satan a amené les Chinois qui font travailler mal les frères et les sœurs, qui payent mal. Frère, quand si vous observez, ma société chinoise, les travaux qui nos frères sont en train de travailler, avant tout normal, un homme libre, ce n'est pas pour un homme libre, ce sont des travaux des esclaves. Ce sont des travaux qui n'ont pas de repos. Akishimame, s'il s'arrête, c'est tout un problème. Si il ose se somnoler, c'est un problème. Kazi yashipomaripo. Les démons des Chinois ont employé même des gens. Son travail à lui, c'est si tu te trouves en train de somnoler, tu te prends en photo. Tu arrives à la fin du mois, on voit te retrancher l'argent. Doukou. C'est quoi ça? Nini ile. C'est Satan en colère. Shetani, contre les élus. Mais regardez ma société, ma chinoise. Mais regardez dans des entreprises chinoises. Où est ma société? Dans ces entreprises. Les voleurs. Dès qu'on a yenga manyum. Sont en train de construire. Les voleurs. Dès qu'on a osa miotoka. Sont en train de payer des véhicules. Les voleurs. Dès qu'on a ma salaire ya mwinji ya mingi. Les salaires. Il est payé. $200, $300 ou $300. Mais l'argent qu'il a en train il vole des milliers. 5 000, 10 000. Vous voyez bien, mes frères. Il vit malhonnêtement. Parce qu'ils sont des méchants. Mais des hommes honnêtes. Il ne veut pas voler. Il suit. Il souffre. Il gémisse. Ils sont maltraités. On a tendé à Mubaya. Tu défies de voler, on te sanctionne. C'est ça les Chinois. Joe dit bah Chinois. Comment le combien au chef d'équipe? On te dit pas pas. À travers ton chef d'équipe. Il faut les autocher. Aujourd'hui, tu dois deux fûts à mazout. Faire sortir deux fûts de mazout. Si toi tu oses dire que tu es chrétien, je ne vole pas. On te sanctionne. On dit refus d'ordre. Anakatala Gizo. On sanctionne quelqu'un. Jou Arikatala Kuiba. Parce qu'il a refusé de voler. Et même à la fin du mois, même dans son salaire, on retranche. Dans la méchanceté, il dit, parce tu avais peine de Makuta. C'est parce que tu n'aimes pas l'argent. Le diable résorbe. Comment le diable est en train de faire gémir les enfants de Dieu? Comment il le fait souffrir? C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. La souffrance actuelle est un signe qui prouve que réellement notre délivrance est là. C'est un signe qui prouve que Jésus-Christ est à la porte. La souffrance actuelle est amenée par des démons. C'est pour détacher les gens de Dieu et les attacher à Satan pour qu'ils perdent leurs âmes. bakuona unasongwa na mateso na mangaiko avec la souffrance avec l'angoisse unaanza kuona sema utakufa que tu vas mourir kushiriwa kunaongezeka ndani ya maisha yako unaona kusema maisha haina tena la valeur kwako plus de l'importance pour toi unaenda kufanya vitu vibaya pas faire des mauvaises choses pour vous détacher de Dieu. Jou ya kutoka kwa Mungu. Et vous perdez votre salut. Na unapotesha wokovu yako. Mais pendant cette période, lakini mwi wakati, de grandes souffrances, ya mateso mkubwa, de grandes difficultés, ya magumu mkubwa, même le commerce, hata yenye biashara, ne fait plus. Adiripe tena. Ceux qui font le commerce honnêtement, bale beko na ujisha, ne gagnent pas grand chose. Abapatie mokintu tena. Il faut dribbler les gens. Na fai upate kukaya ku. Pour vivre, pour gagner quelque chose, il faut être malhonnête. C'est vrai, frère. La méchanceté est partout, à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que Satan a vu que la délivrance, le salut, l'enlèvement de l'épouse approche. Il faut persécuter les gens pour les détourner de leur mission sacrée, de leur préparation. C'est pourquoi vous voyez ici, Satan dit, Pharaon dit, ce sont des paresseux. Cette fois-ci, il ne leur donne plus de la paille. Mais la quantité de briques qu'il faisait chaque jour n'en retranchait rien. Et l'écriture témoigne. On leur a rendu la vie amère. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Mais la souffrance ne peut jamais décourager un élu. La souffrance pousse les élus à rechercher la présence de Dieu. La souffrance pousse les élus à la prière pour inviter Dieu à venir les délivrer. Oui, bien aimé frère. Dans le cas d'Israël, personne ne pouvait le délivrer. L'Égypte n'était pas cette Égypte d'aujourd'hui. À cette époque-là, l'Égypte était une grande puissance, comme les États-Unis d'Amérique. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Qui pouvait venir plaider leur cause? Qui pouvait venir les délivrer? Aucun homme ne pouvait le faire. C'est pourquoi les dieux de toute promesse, les dieux fidèles à ses promesses, quand il a vu la souffrance des enfants d'Abraham, des enfants d'Israël, il a eu compassion. Il a eu pitié. Il a dit, je descendrai pour les délivrer. Ou bien mes frères, c'est quand quelqu'un souffre atrocement, il a besoin de la liberté. Oui, bien mes frères. Non, non. C'est quand quelqu'un, il est dominé avec cruauté, il a besoin du rachat. Oui, bien mes frères. Oui, bien mes sœurs. Même dans le spirituel, c'est la même chose. Frère, quelqu'un qui a été longuement opprimé par les démons de l'ivrognerie, par les démons de la prostitution, par les démons de la méchanceté, quelqu'un qui a souffert, qui a été longtemps sous la domination de ces démons, c'est lui-là qui comprend la signification de la délivrance. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Ya kweli dada. Quelqu'un qui n'a pas souffert Mutula ateswaka ne peut pas apprécier. Awezi kusifu. Ne peut pas comprendre le rachat. Awezi kuelewa ukombozi. Oui, bien-aimé. Ndio le salut okovu est pour ceux qui souffrent. Ni abale bakwana teso. L'église est avec moi. Le salut a de la valeur pour quelqu'un qui souffre. Le salut a de la valeur pour quelqu'un qui est persécuté. Il a besoin de la délivrance. Pour quelqu'un qui est opprimé. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Celui qui est esclave, il a besoin de la liberté. Celui qui vit sous la dictature, sous une souffrance cruelle, qui vit une vie amère. Chungu. C'est vrai. Il a besoin de la délivrance. Oui, bien aimé, frère. Il a besoin de la liberté. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi Israël a apprécié la liberté. Uru. Il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Ils ont souffert. Vous savez, frère, que sur toute la terre, mujima, il n'y a aucune nation tamoya, depuis que ce monde existe akuako, qui a souffert comme Israël. Israël. Savez-vous que depuis la chute, il n'y a jamais eu une créature qui a souffert comme un homme. Savez-vous cela? Est-ce que savez-vous cela? Parmi toutes les créatures, l'homme souffre beaucoup. Parmi toutes les nations de la terre, Israël a souffert. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Quand Pharaon n'a pas pu aider Israël à se libérer, il voulait le maintenir dans l'esclavagisme. Il voulait le maintenir dans le gémissement. Frère, Duku, il fallait que leur délivrance vienne du ciel. Regardez, si vous lisez Exode chapitre 5. Mateso et Pita. La souffrance était vraiment dure. Le commissaire des enfants d'Israël. Bah, commissaire, bah, Zongoza, Makazi, Shiriwa, dans leur manquement. Banenda, comme fois, Pharaon, ils sont allés sur le chasser, mais pour lui. Pourquoi tu nous fais souffrir, nous tes serviteurs? Frère, lisons un peu cela. Il voulait solution, trouver une solution auprès de leur bourreau. Exode chapitre 5, verset 15. Le commissaire des enfants d'Israël allait se plaindre à Pharaon et lui dire, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne nous donne point de paille à tes serviteurs. Elle nous dit, faites des briques. Et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Frère, écoutez la réponse du méchant. Pharaon répondit, Vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille. Et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël dirent qu'on les rendait malheureux. On les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tasse du jour. Frère, Satan ne peut jamais compatir à votre souffrance. Satan ne peut jamais compatir à notre souffrance. Satan ne peut jamais nous alléger. Non, bien-aimé frère. Furaya shetani, la joie du diable, ni kutuona shie tukona teswa, nous dans la souffrance, ni kutuona shie tukona mutumikia, en train de lutter, bali na uso ya Mungu, loin de la face de Dieu, tufuye Muzambi, de mourir dans les péchés, cela lui fait la joie, na, il est namfuraisha. C'est vrai frère, ya kweri nduku, c'est vrai ma soeur, ya kweri dada. Kama Satan akubamba mubongo. Lorsque les diables vous saisissent dans le menton ou dans la douceur ou dans le vol ou dans la colère, il vous prend dans n'importe quel péché. Pensez yake ya upana sana. Ma volonté parfaite de son cœur. Ni wendelee pa kumutumikia mwile namna. Tu continues toujours à le servir de cette façon. Mais lakini, néanmoins, ufuye Muzambi, que tu puisses mourir dans les péchés et perdre le même ton âme. C'est vrai frère. Dio, c'est vrai ma soeur. Mais un élu, lakini muteule, au fur et à mesure qu'il est opprimé, la souffrance le pousse davantage à chercher la face de l'Éternel pour être libéré par lui. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Notre délivrance ne viendra pas d'un homme. Notre délivrance viendra de Dieu lui-même. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. La souffrance doit nous aider, doit nous pousser à chercher la face de l'Éternel, à rechercher l'aide de l'Éternel. Oui, bien-aimé frère, bien-aimé soeur, ce sont ceux qui souffrent, qui ont besoin du salut. Oui, bien-aimé frère, les riches n'ont pas besoin du salut. Un homme qui vit aisément, il vit en paix. Il ne connaît pas les souffrances. Il n'en vit pas la délivrance. Il ne connaît pas les rachats. L'Église est avec moi. Il a d'autres choses qui le préoccupent. Batajiri, les riches, tant de problèmes qui les préoccupent. Et c'est qui les préoccupe. Ni mambo yakupata franga. Vendele kuishi musalama. Ndani ya hii mwili. Dans ce corps. Abawezi kuangaikia. Ne peut pas prendre soin. Ukombozi ya nafsi. Chercher le salut de leurs âmes. C'est pourquoi Jésus a dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est difficile. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Ce sont les gens qui souffrent, les gens qui gémissent, qui ont besoin de la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons demain. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. La souffrance, l'oppression, les gémissements, Détache les gens qui ne sont pas prédestinés à la vie de Dieu. Mais ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, ces hommes-là et ces femmes apprécient à juste valeur le rachat. Et ils comprennent cela. Lève-nous pour la prière. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Israël s'est retrouvé dans un pays étranger. Et là, il fut opprimé comme Dieu l'avait dit à leur père. Et pendant le gémissement, pendant qu'ils étaient traités avec cruauté, ils ont commencé à apprécier la liberté, la délivrance, le rachat. Et Dieu a eu compassion d'eux. Prions-nous tous ensemble. Notre Dieu et notre Père, au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous comprenons ce soir